Extrait de conseils et souvenirs de Céline. Notes anciennes de Céline Martin qui lui ont servi pour ses témoignages au procès de Thérèse. Esprit d'enfance. Au procès, lorsque le promoteur de la foi m'a demandé pourquoi je désirais la béatification de sœur Thérèse de l'Enfant Jésus, je lui ai répondu que c'était uniquement pour faire connaître sa petite voix, c'est ainsi qu'elle appelait sa spiritualité, sa manière d'aller à Dieu. Il a repris, si vous parlez de voix, la cause tombera infailliblement, comme il est déjà arrivé en plusieurs circonstances analogues. Tant pis, ai-je répondu, la crainte de perdre la cause de sœur Thérèse ne saurait m'empêcher de mettre en valeur le seul point qui m'intéresse, faire, en quelque sorte, canoniser la petite voix. Et je tins bon, et la cause ne tomba pas à l'eau. C'est pourquoi j'ai éprouvé plus de joie au discours de Benoît XV qui exaltait l'enfance spirituelle qu'à la béatification et la canonisation de notre sainte. Mon but était atteint ce jour-là, 14 août 1921. D'ailleurs, le sumarium a enregistré cette réponse que je fis au sujet des dons surnaturels, ils ne furent que très rares dans la vie de la servante de Dieu, pour moi. Je préférerais qu'elle ne fût pas béatifiée plutôt que de ne pas donner son portrait comme je le crois exact en conscience. Sa vie devait être simple pour servir de modèle aux petites âmes. C'est la vérité qu'en toute rencontre notre chère maîtresse nous indiquait sa petite voie, pour y marcher, déclarait-elle, il faut être humble, pauvre d'esprit et simple. Combien elle aurait goûté? Si elle l'avait connue, cette prière de Bossuet, grand Dieu, ne permettait pas que certains esprits, dont les uns se rangent parmi les savants, les autres parmi les spirituels, puissent jamais être accusés à votre redoutable tribunal, d'avoir contribué en aucune sorte à vous fermer l'entrée de je ne sais combien de cœurs, parce que vous vouliez y entrer d'une façon dont la seule simplicité les choquait par une porte qui, toute ouverte qu'elle est par les saints depuis les premiers siècles de l'Église, ne leur était peut-être pas encore assez connue, fait plutôt que, devenant tous aussi petits que des enfants, comme Jésus-Christ l'ordonne, nous puissions entrer une fois par cette petite porte, afin de pouvoir ensuite la montrer aux autres. Plus sûrement et plus efficacement, ainsi soit-il. Rien d'étonnant qu'à sa dernière heure, ce grand homme ait prononcé ces paroles émouvantes, « Si je pouvais recommencer ma vie, je voudrais n'être qu'un tout petit enfant donnant sans cesse la main à l'enfant Jésus. » Thérèse sut merveilleusement, dans la lumière révélée aux petits, découvrir cette porte de salut et l'indiquer aux autres. La sagesse divine et la sagesse humaine n'ont-elles pas marqué, dans cet esprit d'enfance, la vraie grandeur d'âme? Tels ces illustres philosophes chinois, qu'il avait fixé par ses fortes définitions, la vertu mûre aboutit à l'état d'enfance, Lao Tzu, 7e siècle avant Jésus-Christ. Un grand homme est celui qui n'a pas perdu son cœur d'enfant, Meng Tsen, 4e siècle avant Jésus-Christ. Et encore, connaître la vertu mâle, c'est avancer toujours dans la voie du bien et retourner à l'enfance, Tao Te Ching. Pour notre sainte, cette petite voie consistait pratiquement dans l'humilité, comme je l'ai déjà dit, mais elle se traduisait encore par un esprit d'enfance très accusé, ainsi, elle aimait beaucoup à m'entretenir de ces paroles qu'elle puisait dans l'Évangile. Laissez venir à moi les petits enfants. Le royaume des cieux leur appartient. Leurs anges voient continuellement la face de mon Père céleste. Quiconque se fera petit comme un enfant sera le plus grand dans le royaume du ciel. Jésus embrassait les enfants après les avoir bénis. Citation de l'Évangile. Elle les avait copiés au verso d'une image sur laquelle étaient fixées les photographies de nos quatre petits frères et sœurs envolés au ciel en bas âge, Elle m'en fit présent, gardant elle, même l'appareil dans son bréviaire. Les photos sont maintenant en partie effacées par le temps. Sous ses textes évangéliques, elle en avait ajouté d'autres, tirés de la Sainte Écriture, qui la ravissaient toujours en liaison avec l'esprit d'enfance. Heureux ceux que Dieu tient pour justes sans les œuvres, car à l'égard de ceux qui font des œuvres, la récompense n'est point regardée comme une grâce, mais comme une chose due. C'est donc gratuitement que ceux qui ne font pas les œuvres sont justifiés par la grâce en vertu de la rédemption dont Jésus, Christ est l'auteur. Épître de Saint Paul aux Romains. Le Seigneur conduira son troupeau dans les pâturages, il rassemblera les petits agneaux et les prendra sur son sein. Isaïe 40. Au revers d'une autre grande image, dont le fac, 6000 est donné ci-contre, elle avait encore reporté de citations scripturaires, dont certaines répètent les précédentes, mais il est intéressant de voir à quel point elles éclairaient sa voix. Elle affectionnait aussi, tout particulièrement une gravure qui représentait un enfant assis sur les genoux de notre Seigneur et faisant effort pour atteindre son divin visage et le baiser. Je lui montrai un mémento avec la photographie d'une enfant, décédée en bas âge. Elle mit son doigt sur le visage du bébé, en disant avec tendresse et fierté : ils sont tous sous ma domination, comme si elle prévoyait déjà son titre de reine des tout-petits. Sorte. Thérèse de l'enfant Jésus était grande, elle mesurait 1,62 m, tandis que Mère Agnès de Jésus était beaucoup plus petite. Je lui dis un jour : si on vous avait fait choisir, qu'auriez-vous préféré, être grande ou petite ? Elle répondit sans hésiter : j'aurais choisi d'être petite pour être petite en tout. L'Église a toujours vu en Thérèse de l'enfant Jésus la sainte de l'enfance spirituelle. Nombreux sont les témoignages des papes à ce sujet, je me bornerai à citer ceci. De sa sainteté Pie XII, le premier lorsqu'il était légat à la tour de Pie XI, à l'inauguration de la basilique de Lisieux, le 11 juillet 1937, le deuxième, 17 ans plus tard. Sœur Thérèse de l'enfant Jésus a une mission, elle a une doctrine, mais sa doctrine, comme toute sa personne, est humble et simple. Elle tient en ces deux mots, enfance spirituelle, ou en ses deux autres équivalents, petite voix. C'est l'Évangile même, le cœur de l'Évangile qu'elle a retrouvé, mais avec combien de charme et de fraîcheur. Si vous ne redevenez comme des enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Message du 11 juillet 1954 à la consécration solennelle de la basilique de Lisieux. Dévotion au mystère de l'incarnation et de la crèche, elle fêtait avec la plus grande piété, chaque année le 25 mars, parce que, disait-elle, c'est le jour où Jésus, dans le sein de Marie, a été le plus petit. Mais elle aima tout particulièrement le mystère de la crèche, c'est là que l'enfant Jésus lui dit tous ses secrets sur la simplicité de l'abandon, à l'encontre de l'hérésiarque Marcion qui disait avec dédain : « Enlevez-moi ces langes et cette crèche indigne d'un Dieu », Thérèse était éprise des abaissements de notre Seigneur se faisant tout petit par amour pour nous. Elle écrivait avec plaisir sur des images de Noël, qu'elle peignait. Ce texte de Saint Bernard, Jésus, qui vous a fait si petit, l'amour. Le nom de Thérèse de l'enfant Jésus qui fut le sien dès l'âge de 9 ans, quand elle manifesta son désir de devenir carmélite, demeura toujours pour elle une actualité et elle s'efforça de le mériter constamment. Plus tard, elle écrira cette prière sous une image de Jésus enfant, au petit enfant. Mon unique trésor, je m'abandonne à tes divins caprices. Je ne veux pas d'autre joie que celle de te faire sourire. Imprime en moi tes grâces et tes vertus enfantines, afin qu'au jour de ma naissance au ciel, Les anges et les saints reconnaissant ta petite épouse, Thérèse de l'enfant Jésus, ses vertus enfantines qu'elle désirait, avaient fait avant elle l'admiration de l'austère Saint Jérôme qui n'est pas taxé pour cela de puérilité. Voleur de ciel, mes protecteurs et mes privilégiés sont ceux qui l'ont volé comme les saints innocents et le bon larron. Les grands saints l'ont gagné par leurs œuvres, moi je veux imiter les voleurs, je veux l'avoir par ruse. Une ruse d'amour qui m'en ouvrira l'entrée, à moi et aux pauvres pécheurs, l'Esprit Saint m'encourage, puisqu'il dit dans les proverbes, ô tout petit, venez, apprenez de moi la finesse. La demeure des petits enfants, je lui parlais des mortifications des saints, elle me répondit, que notre Seigneur a bien fait de nous prévenir qu'il y a plusieurs demeures dans la maison de son Père, sans cela il nous l'aurait dit. Oui, si toutes les âmes appelées à la perfection avaient dû, pour entrer au ciel, pratiquer ces macérations, il nous l'aurait dit et nous nous les serions imposés de grand cœur. Mais il nous annonce qu'il y a plusieurs demeures dans sa maison. S'il y a celle des grandes âmes, celle des pères du désert et des martyrs de la pénitence, il doit y avoir aussi celle des petits enfants. Notre place est gardée là, si nous l'aimons beaucoup, lui est notre Père céleste et l'Esprit d'amour. Sœur Thérèse de l'enfant Jésus était, on le voit, une âme très simple qui s'est sanctifiée par des moyens ordinaires. On comprend par là que la fréquence de dons extraordinaires dans sa vie eût été contraire à ce qu'elle dit être les desseins de Dieu sur elle. Sa vie devait pouvoir servir de modèle aux petites âmes. Les petits enfants ne se damnent pas. Que feriez-vous, lui disais-je, si vous pouviez recommencer votre vie religieuse? Il me semble, reprit-elle, que je ferai ce que j'ai fait. Vous n'éprouvez donc pas le sentiment de ce solitaire qui affirmait, quand même j'aurais vécu de longues années dans la pénitence, tant qu'il me resterait un quart d'heure, un souffle de vie, je craindrais de me damner. Non, je ne puis partager cette crainte, je suis trop petite pour me damner, les petits enfants ne se damnent pas. Passée sous le cheval, tout découragée, le cœur encore gros d'un combat qui me semblait insurmontable, je vins lui dire, cette fois c'est impossible, je ne puis me mettre au-dessus. Cela ne m'étonne pas, me répondit elle, nous sommes trop petits pour nous mettre au-dessus des difficultés, il faut que nous passions par-dessous. Elle me rappela alors un trait de notre enfance que voici. Nous nous trouvions chez des voisins, à Alençon. Un cheval nous barrait l'entrée du jardin, tandis que les grandes personnes cherchaient un autre accès. Notre petite amie, Thérèse Lehoux, c'était environ, de l'âge de Céline, ne trouva rien de plus facile que de passer sous l'animal. Elle se glissa la première, me tendit la main. Je la suivis en entraînant Thérèse et sans courber beaucoup notre petite taille nous parvînmes au but. Voilà ce qu'on gagne à être petite, conclut-elle. Il n'y a point d'obstacle pour les petits, ils se faufilent partout. Les grandes âmes peuvent passer sur les affaires, tourner les difficultés, arriver par le raisonnement ou la vertu à se mettre au-dessus de tout, mais nous qui sommes toutes petites, nous devons bien nous garder d'essayer cela. Passons dessous. Passer sous les affaires, c'est ne pas les envisager de trop près, ne pas les raisonner. La sainte s'adressait à des novices qui n'avaient pas la responsabilité des questions à traiter et dont le devoir était de s'en isoler. Elle aurait tenu un autre langage à des personnes qui auraient été chargées de les résoudre et de prendre des décisions. À cela, et lui conseiller seulement de ne pas analyser inutilement les difficultés. Direction d'intention, pendant sa maladie, elle acceptait les remèdes les plus répugnants et les traitements les plus pénibles avec une patience inaltérable, tout en constatant que c'était en pure perte. mais elle n'objectait jamais la fatigue qui en résultait. Elle me confiait avoir offert au bon Dieu tous ces soins inutiles pour un missionnaire, qui n'aurait ni le temps ni les moyens de se soigner, demandant que tout cela lui soit profitable. Comme je lui objectais mon regret de n'avoir pas de telles pensées, elle me répondit, « Cette intention explicite n'est pas nécessaire pour une âme qui s'est donnée toute à Dieu. Le petit enfant, au sein de sa mère, prends-le-les pour ainsi dire machinalement et sans pressentir l'utilité de son action et cependant, il vit, il se développe, ce n'était pourtant pas son intention. » Elle me disait encore, « Un peintre qui travaille pour son maître n'a pas besoin de répéter à chaque coup de pinceau, c'est pour monsieur un tel, c'est pour monsieur un tel. » Il suffit qu'il se mette à l'ouvrage avec la volonté de travailler pour son maître. Il est bon de recueillir souvent sa pensée et de diriger ses intentions, mais sans contrainte d'esprit. Le bon Dieu devine les belles pensées et les intentions ingénieuses que nous voudrions avoir. Il est un père et nous de petits enfants. Jésus ne peut être triste avec nos arrangements, je lui disais. Il faut que je travaille. Sinon Jésus serait triste. Oh non, c'est vous qui seriez triste. Il ne peut être triste avec nos arrangements. Par nos arrangements, sœur Thérèse de l'Enfant Jésus faisait allusion à l'esprit d'enfance. Jésus ne peut avoir de peine des fautes involontaires échappées à la faiblesse et à la fragilité des âmes humbles et amantes qui se confient en lui. Mais pour nous quel chagrin de ne pas lui donner autant que nous le pouvons. Être sainte sans grandir, parce qu'elle était profondément humble, sœur Thérèse de l'Enfant Jésus se sent incapable de gravir le rude escalier de la perfection, aussi, s'appliqua-t-elle à devenir de plus en plus petite, afin que le bon Dieu se charge complètement de ses affaires et la porte dans ses bras, comme il arrive dans les familles aux tout petits enfants. Elle voulait être sainte, mais sans grandir parce que, comme les petites maladresses des enfants ne contristent pas leurs parents, ainsi les imperfections des âmes humbles ne sauraient offenser gravement le bon Dieu, et leurs fautes ne leur sont pas tenues à rigueur selon la parole de Saint Livre. Aux petits on pardonne par pitié, Sagesse 6, 6. En conséquence, elle se gardait bien de désirer se sentir parfaite et que d'autres la croient-elles, car elle aurait grandi et le bon Dieu l'aurait laissé marcher seule. Les enfants ne travaillent pas pour se faire une position, disait-elle, s'ils sont sages, c'est pour contenter leurs parents. Ainsi, il ne faut pas travailler pour devenir des saintes, mais pour faire plaisir au bon Dieu. Comment baiser son crucifix? Pendant sa maladie, comme j'avais été imparfaite et que je m'en repentais beaucoup, elle me dit, « Baisez votre crucifix, à présent, je le baisais aux pieds. Est-ce là qu'une enfant embrasse son père? Vite, vite, on baise le visage, je le baisais, et on se fait embrasser maintenant. Il fallut que je dépose le crucifix sur ma joue, alors elle me dit, « C'est bien, cette fois, tout est oublié. » Le partage des petits-enfants. Notre Seigneur répondait autrefois à la mère des fils de Zébédée, « Pour être à ma droite et à ma gauche, c'est à ceux à qui mon Père l'a destiné. » Citation, Matthieu, 20, 23. Je me figure que ces places de choix, refusées à de grands saints, à des martyrs, seront le partage des petits-enfants. David n'en fait-il pas la prédiction lorsqu'il dit que le petit Benjamin présidera les assemblées des saints? On lui demandait sous quel nom nous devrions la prier quand elle serait au ciel. « Vous m'appellerez petite Thérèse ?» répondit-elle humblement. Confiance. Ses entretiens sur l'amour et la miséricorde du bon Dieu ne tarissaient pas, sa confiance était invincible, et si elle désirait dès son adolescence devenir une sainte et une grande sainte, Comme elle le déclare dans son autobiographie, son ambition allait se perdre jusque dans l'infinie richesse des mérites de Jésus qui était sa propriété, disait-elle. Aussi, les espérances même les plus hautes ne lui semblaient pas téméraires. Elle assurait qu'il ne fallait pas craindre de trop désirer, de trop demander au bon Dieu. Sur la terre, il y a des gens qui savent se faire inviter, qui se faufilent partout. Si nous demandons au bon Dieu quelque chose qu'il ne comptait pas nous donner, il est si puissant et si riche qu'il y va de son honneur de ne pas nous refuser, et il donne. Mais elle n'employait jamais cette sainte audace pour solliciter des consolations ou même l'allégement de ses peines. Pour les grâces temporelles, elle était très circonspecte. Elle croyait que Dieu ne lui refuserait rien et elle usait d'une grande réserve, de peur, confiait-elle, qu'il ne se croit obligé de m'exaucer. En conséquence, lorsqu'elle demandait une faveur ou un soulagement, c'était pour faire plaisir aux autres et encore faisait-elle passer ses prières par la Sainte Vierge, ce qu'elle expliquait ainsi, demander à la Sainte Vierge. Ce n'est pas la même chose que de demander au bon Dieu. Elle sait bien ce qu'elle a à faire de mes petits désirs, s'il faut qu'elle les dise ou ne les dise pas. Enfin, c'est à elle de voir pour ne pas forcer le bon Dieu à m'exaucer, pour le laisser faire en tout sa volonté. Quand elle exprimait son vœu de faire du bien sur la terre après sa mort, elle y mettait cette condition, avant d'exaucer tous ceux qui me prieront. Je commencerai par bien regarder dans les yeux du bon Dieu pour voir si je ne demande pas une chose contraire à sa volonté. Elle nous faisait remarquer que cet abandon imitait la prière de la Sainte Vierge qui, à Cana, se contente de dire « Ils n'ont plus de vin ». De même Marthe et Marie disent seulement « Celui que vous aimez est malade ». Elles exposent simplement leur désir sans formuler de demande, laissant Jésus libre de faire sa volonté. Pas de quiétisme. Bien qu'elle marchât par cette voie de confiance aveugle et totale qu'elle nomme sa petite voix ou voix d'enfance spirituelle, jamais elle ne négligea la coopération personnelle, lui donnant même une importance qui remplit toute sa vie d'actes généreux et soutenus. C'est ainsi qu'elle entendait et nous l'enseignait constamment au noviciat. Un jour que j'avais lu ces paroles dans l'Ecclésiastique, 16, 15, « La miséricorde fera à chacun sa place selon le mérite de ses œuvres et selon l'intelligence de son pèlerinage », je lui fis remarquer qu'elle aurait une belle place car elle avait dirigé sa barque avec une sublime intelligence. Mais pourquoi y avait-il selon le mérite de ses œuvres ? Elle m'expliqua alors avec énergie que l'abandon et la confiance en Dieu s'alimentent par le sacrifice. Il faut, me dit-elle, faire tout ce qui est en soi, donner sans compter, se renoncer constamment, en un mot, prouver son amour par toutes les bonnes œuvres en son pouvoir. Mais à la vérité, comme tout cela est peu de choses, il est nécessaire, quand nous aurons fait tout ce que nous croyons devoir faire, de nous avouer des serviteurs inutiles, espérant toutefois que le bon Dieu nous donnera, par grâce, tout ce que nous désirons. C'est là ce qu'espèrent les petites âmes qui courent dans la voie d'enfance. Je dis cours et non pas se repose. Ne pas aller en purgatoire. Ma chère petite sœur m'inculqua à tout instant ce désir humblement confiant dont elle vivait intensément. C'était l'atmosphère que je respirais comme l'air, j'étais encore postulante quand, la nuit de Noël 1894, je trouvais dans mon soulier une poésie que Thérèse m'avait composée au nom de la Sainte Vierge, j'y lisais ceci. Jésus tressera ta couronne, si tu ne veux que son amour. Si ton cœur, à lui, s'abandonne, il te fera régner un jour. Après la nuit de cette vie, tu verras son très doux regard, et, là-haut, ton âme ravie, volera sans aucun retard. Dans son acte d'offrande à l'amour miséricordieux du bon Dieu, Parlant de son propre amour, elle termine ainsi, que ce martyr, après m'avoir préparé à paraître devant vous, me fasse enfin mourir et que mon âme s'élance, sans retard, dans l'éternel embrasement de votre miséricordieux amour. Elle était donc toujours sous l'impression de cette idée dont elle ne mettait pas en doute la réalisation, selon cette parole de notre Père Saint Jean de la Croix qu'elle faisait sienne. Plus Dieu veut nous donner, plus il nous fait désirer. Lettre à la mère Éléonore de Saint-Gabriel, religieuse carmélite déchaussée du couvent de Séville. Elle basait son espérance relative au purgatoire sur l'abandon et l'amour, sans oublier sa chère humilité, vertu caractéristique de l'enfance. L'enfant aime ses parents et n'a aucune prétention, sinon celle de s'abandonner totalement à eux parce qu'il se sent faible et impuissant. Elle me disait, est-ce ce qu'un père gronde son enfant quand lui-même s'accuse, lui inflige une pénitence? Non, bien sûr, mais il le presse sur son cœur. À l'appui de cette pensée, elle me rappela une histoire que nous avions lue dans notre enfance. Un roi, parti à la chasse, poursuivait un lapin blanc que ses chiens allaient bientôt atteindre, quand le petit lapin, se sentant perdu, rebroussa chemin rapidement et sauta dans les bras du chasseur. Celui-ci, touché de tant de confiance, ne voulut plus se séparer du lapin blanc, ne permettant à personne d'y toucher, se réservant lui-même le soin de le nourrir. Ainsi, le bon Dieu fera-t-il avec nous, me dit-elle, si, poursuivi par la justice, figuré par les chiens, nous cherchons refuge dans les bras même de notre juge. Bien qu'elle ait en vue, ici, les petites âmes qui suivent la voie d'enfance spirituelle, elle n'écartait pas de cette espérance hardie les grands pécheurs même. C'est pourquoi sœur Thérèse de l'Enfant Jésus a pu écrire dans son manuscrit, « Oui, je le sens. Quand même j'aurai sur la conscience tous les péchés qui se peuvent commettre, j'irai, le cœur brisé de repentir me jeter dans les bras de Jésus, car je sais combien il chérit l'enfant prodigue qui revient à lui. Ce n'est pas parce que le bon Dieu dans sa prévenante miséricorde a préservé mon âme du péché mortel que je m'élève à lui par la confiance et l'amour. Aussitôt après mon entrée au Carmel, j'avais demandé à lire l'histoire des Pères du désert. J'y avais relevé quelques notes dont celle-ci qui frappa à tel point ma chère petite sœur, qu'il regretta de ne pas l'avoir introduite dans son autobiographie et recommanda, avec instance, de l'y ajouter. Une pécheresse, nommée Paisy, désolait la contrée par ses scandales. Un père du désert, Jean le Nain, alla la trouver et comme il l'avait exhortée à la pénitence de ses crimes, elle lui dit, « Mon père, y a-t-il encore une pénitence pour moi ?»« Oui, dit le saint, je vous en assure. Menez-moi donc où vous trouverez bon pour cela, lui dit-elle. » Aussitôt, elle se leva et elle le suivit sans donner ordre dans sa maison, sans même y dire un mot à personne. Comme ils étaient entrés dans le désert et que la nuit approchait, Jean fit un monceau de sable, comme un oreiller, qu'il marqua du signe de la croix et dit à Paisy de s'y coucher. Il se mit ensuite plus loin pour dormir aussi, après avoir prié, mais s'étant réveillé à minuit, il vit un rayon de lumière qui descendait du ciel sur Paisy et qui servait comme de chemin à plusieurs anges qui portaient son âme au ciel. Dans la surprise où il fut de sa vision, il alla vers Paisy qu'il poussa du pied pour voir si elle était morte, et trouva qu'elle avait rendu son âme à Dieu. En même temps, il entendit une voix miraculeuse qui lui dit, « Sa pénitence d'une heure a été plus agréable à Dieu que celle que d'autres font pendant longtemps parce qu'ils ne la font pas avec autant de ferveur qu'elle. » Vit des pères des déserts d'Orient avec leur doctrine spirituelle et leur discipline monastique, par le révérend père Michel-Ange Marin, de l'ordre des Minimes, Livre 4 chapitre 18. Maintes fois, sœur Thérèse m'avait fait remarquer que la justice du bon Dieu se contentait de bien peu de choses lorsque l'amour en était le motif et qu'alors il tempérait, à l'excès, la peine temporelle due au péché, car il n'est que douceur. J'ai fait l'expérience, me confia-t-elle, qu'après une infidélité même légère, l'âme doit subir pendant quelque temps un certain malaise. Je me dis alors, ma petite fille, c'est la rançon de ta faute et je supporte patiemment que la petite dette soit payée. Mais, la subornée, dans son espérance, la satisfaction réclamée par la justice, pour ceux qui sont humbles et s'abandonnent à Dieu avec amour, elle ne voyait pas s'ouvrir pour eux la porte du purgatoire, pensant plutôt que le Père des cieux, répondant à leur confiance par une grâce de lumière à l'heure de la mort, ferait naître en ces âmes, à la vue de leur misère, un sentiment de contrition, parfaite, effaçant toute dette. markmdanarchive.org D'après Archive Carmel Lisieux.fr Licence Creative Commons. Pas d'usage commercial partage à l'identique.